Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et de la forêt. CLML sait ce que représente la forêt. CLML possède des chargeuses sur roues en plus d'une dizaine d'employés. CLML œuvre dans les séries du secteur de Mistassini et Saint-Félicien. Les bureaux de CLML sont au 905 boulevard Amel, Saint-Félicien. 418-679-4194. On va parler avec notre ami Joe Hardy. Salut Joe. Salut, jeune homme. Joe, avant de parler des séries, j'ai deux, trois petites questions que je veux te poser, puis je veux avoir ton opinion. Oui, non. Jérôme Landry, tu connais à Québec? Oui, je le connais, je l'ai... C'est parce que je l'ai entendu à la radio, puis je l'ai même entendu dire qu'il m'écoutait quand je faisais de la radio. C'est de même que je le connais, là, mais ouais. je l'ai jamais parlé. Là. Jérôme Landry, t'allais dire, puis maudite bonne idée, Patrick Arroy à Québec, il y a pas ouais. d'aréna, il y a rien à son nom, comme Mario Lemieux. C'est quand même assez bizarre que Mario Lemieux, il y a rien au Québec en son nom aussi. OK. Comment tu trouves ça? Moi, je trouve que ce serait... c'est sûr que Mario, c'est pas le gars le plus sympathique en ville. Je suis bien d'accord avec ça. Par contre, ça n'enlève rien sur la glace. C'est probablement le meilleur joueur de l'histoire du... C'est le meilleur joueur de l'histoire du Québec. Là. On se contente pas d'histoire, non? Ouais, mais en même temps, tu sais, moi, je me dis, à quelques, tu sais, t'as pas tort, là, je dis pas que je serais fâché s'il y avait un aréna à leur nom. Un aréna ou quelque chose de même, là? Mais tu sais, t'as Gilles Tremblay qui a un aréna à son nom, ben au oui. port. Mais tu sais, à quelque part, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, la minute qu'il va en avoir un autre, là, je te donne un nom, Rosaire Simard, qui devient un star, il n'y aura pas assez d'aréna pour mettre des noms à chaque aréna, là, tu sais. Ouais. Moi, je pense pas que les gars, c'est. Comment je te dirais ça, non? Tu sais que. D'abord, un, tu viens de nommer deux noms qui sont au temple de la renommée. Fait que déjà là, tu sais, un aréna à leur nom. Tu sais, comme exemple, tu me parles de ça pas loin de chez moi, parce que je reste pas loin de là. Joey Junot, ils ont donné le nom de. Ils ouais. ont donné son nom à le petit aréna qu'il y a là. Tu sais, c'est correct, mais dans les grandes villes, à un moment donné, là, il y en a des noms de joueurs de hockey qu'on oublie qui sont à quelque part, qui sont très populaires, puis qu'ils peuvent pas avoir l'aréna à leur nom. Là. Moi, je pense pas que ces gars-là, ça les affecte. Que les gens pensent à ça jusqu'à temps qu'on en parle, exemple. OK, OK. Non, c'est un bel hommage, tout. C'est un beau clin d'œil. Je pense pas que. Ah, non, c'est pas mauvais, là. Tu sais, ouais. Moi, dans ma tête à moi, puis les jeunes, je pense que j'en ai déjà parlé ou je vais t'en parler. Moi, la Hall of Fame, là. Ouais. Je trouve que c'est comme un garage municipal. Alors, ces gars-là, pour moi, la Hall of Fame, là, c'est Gordy Howe, Jean Béliveau, Maurice Richard. Il peut pas en avoir des milliers, là, c'est pas vrai. Là. Mais là, tu parles de deux gars qui sont... Qui, oui. Oh, oui, ils ont révolutionné au moment où ils ont joué. Ouais. Mario Lemieux, Gretzky, Martin Brodeur, on peut le mettre là-dedans aussi. Tu sais, ils ont eu des séquences, admettons, à part des autres. Oui. Joe, comment tu fais? Tu vois les séries, m'a dit en affaire, Gary Bettman ne doit pas trouver drôle ben, là. Columbus, on risque de se retrouver en finale de conférence Columbus-Caroline. Moi, je ris parce que Gary doit pas trouver drôle. Et dans l'Ouest, San Jose, c'est pas fini, Colorado-San Jose, là? Moi, j'ai du San Jose jusqu'au bout, là. Mais parce que c'est la première année que je ferai de l'argent avec San Jose. Moi, je me suis vidé les poches chez eux autres pendant 4 ans, là. Mais en même temps, écoute, quand tu dis que Gary ne serait pas trop content... Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les gens comme toi et moi qui aiment le hockey. On veut voir d'autres choses que toujours les mêmes équipes. Caroline, là, je les regarde aller. Honnêtement, là, tu sais, je les ai vus jouer souvent dans l'année, là. J'avais oublié les noms, là, les AO de ce monde, là. Ils ont une Christie de bonne équipe, là. Puis ils jouent bien. Columbus, je vais te dire une chose. D'après moi, ils vont créer la surprise de la deuxième ronde parce qu'ils sont plus physiques que les Bleus. On s'est aperçu dans le match d'hier, entre autres. Que Columbus, que Boston est pas si tough qu'on pense. Quand ils ont joué contre Toronto, ça allait bien de jouer tough, parce que Toronto n'ont pas de tough. Mais contre Columbus, là, 53 mises en échec, et hier, Boston, m'en a été étourdi, là. Mais je dis pas que la série est finie. Ouais. Puis dans l'Ouest, ben, écoute, moi, j'ai pas aimé la déclaration de Marchessault, puis que la Ligue a appelé je suis d'accord un peu avec Vlasic qui a parlé où, tu sais, là, à un moment donné, là, cette équipe-là, là, Vegas, il menait 3-1 dans la série, 3-0 dans le match. Ils ont donné 4 buts. Et Gérard Gallant n'a jamais demandé un temps d'arrêt. Il n'a pas demandé de temps d'arrêt. Puis deux, ils ont eu la chance de se reprendre en supplémentaire, puis ils ne l'ont pas fait. Tu sais, à quelque part, tu peux pas broyer tout le long. Là. Ben non, c'est sûr. Puis Saint-Nosé fait bien. Puis Saint-Louis, c'est une surprise. Mais en même temps, ben Saint-Louis, c'est pareil. Ils sont physiques. On s'aperçoit qu'ils ont une bonne défensive. Mais tout ça, on en a déjà parlé ensemble. Tu regardes chaque équipe, le gardien de but fait la job. sais, Martin Jones était pourri, ils ont eu de la misère. Là, il s'est retrouvé. Bobrovsky avec Columbus, là, c'est incroyable. Même hier, bien gaulée pour les Browns, là. Tu sais, c'est les gardiens qui font la différence. Ben oui. C'est pas la ligne, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu parles des Blue Jackets. Est-ce que John Tortorella a vendu l'idée? Il y a plusieurs joueurs qui tombent joueurs autonomes, là. Mm. Puis ça, Tortorella, c'est pas rendu là, mais c'est cette année ou pas partout, là. Parce qu'après ça, t'as vu les choix repêchage que. Ils ont quelques bons jeunes, en toi puis moi. Ouais, mais 2020-2021, oublie ça, là. Ils ont quasiment pas de choix repêchage, là. Ah, non, c'est sûr qu'ils ont donné du jus. Mais en même temps, tu sais, tu peux construire, avec quelques agents libres. Tu sais, en bon québécois, tu peux patcher, là, tu sais. Puis là, ce qui arrive présentement, ça va être une raison de plus à Bergevin de dire ce que tous les joueurs de hockey à qui tu peux parler vont dire. Quand tu fais les séries, que ce soit la ligue que ça voudra, quand tu fais des séries, tu sais jamais ce qui va arriver. Alors moi, ça m'est arrivé quand je jouais à Chicago dans la Ligue mondiale. On avait sorti les Nordiques à fin de saison. Ils ont tassé des séries. On s'est rendu en finale de la Coupe AFCO avec une équipe, disons, plus lourde que les Nordiques, mais moins bonne talentueusement. Fait que tu sais, à quelque part, Bergevin, ce qu'il chante depuis quelques années, ça va lui donner raison, puis il va encore faire à quoi sa sauce au parti. Il a raison, sauf que je t'en ai dans... c'est ça, il fait à quoi sa sauce. En même temps, tu sais, c'est plus ce que c'était dans les années 70, là. C'est plus années 60, là. Le Canadien de Montréal, il y a 31 équipes, ça va devenir de plus en plus difficile de gagner la Coupe Stanley. Par contre, ouais. À un moment donné, le Canadien de Montréal, c'est les Yankees de New York, là. Ça, on peut pas enlever ça, là, tu sais. Puis, tu sais, c'est... D'ailleurs, c'est ce qui me fait de la peine quand tu me rouves une pop. Je n'ai parlé avec, tu m'as sûrement entendu, si tu écoutes Robbie Moreau, Pacioretty, il va falloir que quelqu'un il dise de se fermer à baboune, là, tu sais. Il chie sur le Canadien, là. Il a gagné peut-être 35-40 millions à Montréal, là. Arrête, là. Mm. Tu sais, me dire, Montréal, c'est une bonne ville de hockey. Moi, je suis pas un partisan du Canadien, mais je suis très déçu qu'il soit pas là parce qu'on sait que ça fait au niveau des gens d'affaires, des bars, des restaurants à travers le Québec, de Dolbeau à Gaspé. Il y a une frénésie, il y a une frénésie. Ben voyons, c'est sûr, là, c'est ça que ça prend. Alors, Bergevin, à un moment donné, sa salade, elle ne pognera plus, là. Tu sais, le monde va être tanné, là. Ouais. Mais il y a quelqu'un qui me disait que quelqu'un qui est impliqué dans le hockey. Les Canadiens s'en fâchent le moindrement. Ils vont le tasser de là. Là. Moi, je pense pas parce que je ne mets pas un gérant dehors dans le milieu de l'année. Là. Non. Mais Joe, je reviens sur les séries. Colorado, le gardien de but, il va falloir que ça se replace. Hein? Ouais, tu sais, c'est un peu difficile dans le net. Et puis, mais j'ai une question à te poser. J'ai de la foudre de la poser. Ouais. Leur russe qui était là au début de l'année, es-tu blessé ou bien c'est quoi qui se passe? Vous l'avez pas vu, c'est vrai, Siméon Varlamov, ouais. Varlamov, il est rendu où? Il a joué un mois, puis on n'a jamais entendu parler. Et pourtant, moi, j'ai suivi l'Avalanche, parce que je regarde beaucoup l'Avalanche, parce qu'on a un gars d'ici, fait que c'est pour ben ça oui, que... Ben oui, il joue bien, en plus, Gérard. Ouais. Je vais te revenir avec ça dans quelques instants. Check ça, mais je sais pas, je sais pas ce que c'est rendu. Lui, là il doit avoir été blessé, puis il est fini pour l'année, j'imagine. Ouais. Parce que les matchs qu'on a vus de l'Avalanche tout au long de la saison, c'était lui qui était pratiquement tout le temps dans le filet, là. Exact. Ouais, fait que non, parce que, écoute, le gars même pas, Grubber a même pas 900 devant le filet, là. Puis surtout contre San Jose, ça va être difficile parce qu'il y a une bonne équipe, San Jose aussi. Donc. Ouais. Fait que, non, mais... Et aussi dans les autres... Saint-Louis, à soir, je pense que c'est un gros match. Columbus, la foule est vraiment dominante aussi. Ah oui, puis Boston a de la misère à sortir de ça. Puis je vais te dire quelque chose. Je vais parler comme un gars qui était dans le hockey une partie de sa vie. Là. D'après moi, là, ils viennent de trouver la fuite qui peut nuire aux Browns. C'est qu'ils ont attaqué... Marchand. Tu sais, t'as pas besoin de Marchand, là. Ouais. Tortorella, d'abord, moi, je connais quelqu'un qui a joué pour lui, OK? Ben, pas qui a joué pour lui, qui a travaillé où ce que Tortorella était. Puis Tortorella, dans une série, c'est un peu ce que beaucoup de coachs essayent de faire, c'était le matériel pour le faire. C'est qu'ils demandent à ces gars de frapper bons joueurs de l'autre bord. Ouais. Tu sais, les joueurs qui sont dangereux. Et Marchand, il est très, quand ça va bien, il est discipliné, mais quand ça va pas bien, il est pas discipliné. Alors là, ils ont attaqué Marchand. Ils surveillent pas qu'ils scorent de goal. Ce qu'ils vont faire, ils vont continuer de faire dans la série, c'est le frapper à chaque fois qu'ils ont une chance. Puis ça le dérange comme ça dérange n'importe quel joueur de hockey, mais un peu plus Marchand. Fait que d'après moi, ils viennent de trouver une fuite dans les Bruins, parce que Marchand, qu'on le veuille ou non, j'aime bien Bergeron, là, mais Marchand, c'est le kingpin des Bruins. Là. C'est lui qui a bougi. Là. Fait que s'il le dérange, durant que Marchand pense à se défendre et à faire des coups comme le coup qu'il a donné en arrière de la tête du gars à la fin du match, ça n'a pas été vu, mais la Ligue a dit que la prochaine offense, ça va être une suspension. Tu sais, à quelque part, il le dérange. Là. Fait que là, durant qu'il pense à tout ça, Marchand, là, il joue pas sa game. Ouais. Tu sais, fait que c'est, d'après moi, Columbus les a de cette façon-là, mais les Browns, il ne faut pas les compter comme battus. Hein. Ce n'est pas des lâcheux. Là. Mais non. Pour répondre à ta question, Varlamov a été blessé autour de la fin janvier, blessé à la hanche pour le reste de l'année. Ah, c'est ça. Puis ça, je regarde ici. Loin parce que c'est un bon. Ça, ah non, c'est un très bon gardien de but. Puis les matchs que j'ai. Beaucoup de matchs de l'Avalanche que j'ai vus, c'était lui qui était dans le filet. Là. Exact. Il m'a posé la question aujourd'hui. Il m'a dit si, lui, Donc, fait que Joe, fait que non, moi je pense, moi j'ai dit que Colorado, ça allait être Columbus-Saint-Louis. Après la première ronde, quand j'ai vu le tout surpris, moi j'ai prédit Columbus-Saint-Louis parce que Columbus, je pense qu'ils sont sur un momentum. Il y a plusieurs joueurs qui se négocient un contrat. Parce que plusieurs joueurs vont tomber joueurs de l'an. Mais Saint-Louis, écoute, c'est la meilleure équipe depuis le 1er janvier. Depuis les fêtes de la Ligue nationale. Hein. Puis tu sais, quand tu rentres dans le momentum, là. Il y a un gars qui me fait ravaler mes paroles, mais je ne l'aimais pas. Puis là, je commence à trouver qu'il est très bon. C'est O'Reilly, là, tu sais. Ouais. Le seul handicap que je vois dans son jeu, mais l'handicap. Tu sais, l'année passée, il y a eu 2 minutes de punition. Tu peux pas jouer 82 games, d'après moi, pour avoir juste 2 minutes. Ça, bien, quand tu joues 20 minutes par game. Mais je le regarde défensivement, il est très bon. C'est un gars, je l'ai pris dans mon pool cette année. C'est un gars qui va chercher des points chaque année. Là. Mais tout a changé quand Jordan Binnington a pris le filet de. C'est encore la même chose. C'est un gardien, puis lui. Oui, 25 ans. Ben oui. C'est, lui, là, d'ailleurs, à un moment donné, là, il était obligé de le faire jouer dans les mineurs parce que le club voulait voir ce qu'il avait l'air. Puis là, à un moment donné, il voulait faire jouer l'autre gardien, puis on dit non, c'est lui qui nous fait gagner. Mais j'en parlais matin avec Alain Côté, le but refusé, là. Oui. On parlait de ça avec un autre, le coach de gardien des remparts au gym. C'est que, tu sais, les flash in the pan qu'ils appellent, tu sais, les gars qui sont bons une fin de saison, puis l'année suivante, l'équipe... Andrew Hammond. Il y en a plusieurs de même. Là, Andrew Hammond, tu te rappelles d'Andrew Hammond avec les sénateurs d'Ottawa? Oui, puis Carl Lindgren, puis il y en a quelques-uns de même, tu sais, qu'il faut faire attention. Mais là, pour l'instant, c'est hot au bout, là. Oui. Ah, écoute, il pourrait être candidat Calder. S'il est candidat Calder, il pourrait être candidat Ward. Donc, pour un gars de 25 ans qui n'avait jamais eu ce genre. Mais Joe, est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut-tu dire qu'il faut jamais démissionner sur un gardien de but, même s'il a 25 ans? Écoute, un gardien, c'est long, hein. Moi, j'ai joué avec des gars plus haut. Le bon gardien de but, là, 27, c'est très 25, fragile, c'est fragile, c'est des gars fragiles, hein. J'en parle justement avec Alain, on en parlait ce matin. Puis le coach de gardien des remparts, les gardiens, moi, je le sais, quand je jouais, là, ça n'a pas changé. Là. Les deux gardiens, ils font rester ensemble sur la route. Là, ils sont spéciaux à tour de bras. Rien les dérange. Je ne sais pas si c'est encore le même d'investir. Les deux gardiens s'habillent un à côté de l'autre. Là, ils sont dans leur monde, eux autres. Là. Tu peux pas les déranger plus qu'il faut. Joe, un gros merci. On va se reparler. Moi, je te remercie. Quand tu vas me rappeler, le prochain coup, tu me parleras de Souban. Il va peut-être être à Toronto. C'est vrai. C'est ça que je voulais te parler. C'est ça que, ben là, on va prolonger un peu. Puis, je t'en, c'est ça la beauté de l'Internet. Je voulais te parler de, parce que je t'ai entendu à Moreau, samedi matin. Puis, moi, je serais pas surpris de piquer pas. Par contre, t'as dit Toronto. Toi, tu cites beaucoup Sportsnet parce que Sportsnet, sont connectés bien dur avec les livres en plus. Mais tout ça pour te répondre, puis je veux pas prendre trop de ton temps, c'est que moi, je pense qu'avec Muzzin, OK, Souman pourrait fitter, puis avec Riley, ça lui fait un bon duo sur l'attaque à 5. Mais en même temps, Toronto, ils ont un problème avec la cap salariale, OK? Ouais. Oui, Souman fait 9,5. Mais s'il laisse aller, je te donne un nom, là, Nylander, même s'ils ont promis qu'il ne l'échangera pas, ils vont chercher un 7, presque 7 millions, avec peut-être un jeune qui est dans l'organisation qui est à 1,8 million ou je sais pas quoi. Ça leur permettrait d'avoir Souban. Mais ils font pas ça pour la foule, là, parce que Toronto, les estrades sont pleines à chaque match. Mais en même temps, moi, je vais dire bien honnêtement, Moi, Souban, je l'ai regardé aller cette année. C'est vrai qu'il n'y a pas une bonne saison, mais il est ordinaire. Il n'est même pas dans les 15 meilleurs, d'après moi. Je l'ai regardé, il est toujours sur le derrière. Il semble qu'il n'y a pas de jambe, ce gars-là. Il essaie de frapper, il tombe à terre. Je dis pas qu'il est pas bon, là. Mais moi, je trouve que si... écoute, quand tu m'as dit ça, le matin, pas que ça m'a ébranlé, mais je me suis mis à penser à Souban. J'ai dit, Toronto, as-tu vraiment besoin de Souban? Et c'est toute la distraction. Ouais, il est dangereux, là. Tu sais, c'est la distraction que je toucherais. Parce que j'en parlais avec Marc Fortier, puis... que Marc, une fois, une des chroniques, à la fin de la carrière, Souban va avoir fait 4-5 équipes, convaincu de ça, là. Ah, ça peut arriver. Tu sais, c'est un gars qui dérange. Ouais, ouais, ouais. Écoute, il y a un gars qui l'a mis à sa place avec le Canadien, puis c'est Al Gill. Ouais. Tu sais, Al Gill, il a dit, quand tu touches plus aux radios, tu sais, il y a des codes hein, dans le hockey professionnel, puis même dans le junior majeur. Mm. Tu sais, les 20 ans, c'est eux autres qui rendent un peu plus le show que les 18 ans et les 19 ans. Dans le pro, les vétérans, c'est des vétérans. Tu sais, ça doit être des jeunes hommes. C'est parce que maintenant, là, tu sais, il faut analyser une chose qu'on n'entend pas souvent. C'est pas parce que tu es vétéran que tu es un leader. Tu sais, dans la vie, tu sais, tu as un certain âge. Tu peux être un vétéran dans la job où tu es, mais tu n'es peut-être pas un leader. Ça peut être un gars de 20 ans qui est ton leader. Tu sais, vétéran, ça ne veut pas dire leader. Ça. Puis moi, d'après moi, Souban ne sera jamais un leader. Il dérange plus qu'il est leader, selon moi. Là. Fait que, tu sais, à quelque part, mais en même temps, tu sais, c'est un gars de l'Ontario, joué pour Toronto, peut-être qu'il serait capable d'y dire de se calmer. Non, mais, un peu. Mais il me semble que Piqué est quoi, 28, 29 ans, 30 ans, Piqué? Ben, comment ça vieillit? Ben, pas 30, ben, mais peut-être 28, 29. Ça. S'il aurait eu à faire ça, il l'aurait fait. Ah, ouais, ouais, je suis d'accord avec toi, là, tu sais. Ouais. Moi, quelque part, je vais te dire bien honnêtement, quand il est parti de Montréal, la déception pour moi, si j'avais été un personnage canadien, c'est qu'il n'ait pas été chercher un bon joueur de centre pour Piqué, au lieu d'aller chercher un défenseur qui était, selon moi, sur l'autre côté de la clôture maintenant. Là. Mm. Alors, il y aurait pu... Puis Edmonton était à la recherche d'un défenseur à ce moment-là. Là, ouais. On parlait de Draisaitl, il était peut-être disponible. Mais ça, il est trop tard pour dire ça. Mais, tu sais, Piqué, à quelque part, à un moment donné, il va manquer l'équipe peut-être, là, parce que son caractère... Mais il y a toujours une équipe qui va dire « Ah, ben on va le prendre, puis il va faire la job. » Ben ouais. Tu vois-tu un Piqué à Las Vegas? Oh! Oui, non, il mettrait peut-être l'équipe à terre. Là, oui, c'est sûr. Joe, on s'en reparle bientôt. Hey, t'es bien gentil, puis j'attends tes nouvelles. Un commentaire de Jordan.